Le Cantique de Céline, PN 18. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Datation, Carmel de Lisieux, 28 avril 1895. Destinataire, Céline, Sœur Geneviève, à sa demande. Poème écrit pour l'anniversaire de Céline, sur une mélodie, que Monsieur Martin aimait beaucoup, combien j'ai douce souvenance. Oh que j'aime la souvenance, des jours bénis de mon enfance. Pour garder la fleur de mon innocence, le Seigneur m'entoura toujours d'amour. Aussi, malgré ma petitesse, j'étais bien rempli de tendresse, et de mon cœur s'échappa la promesse d'épouser le roi des élus, Jésus. Jamais au printemps de ma vie Saint-Joseph, la Vierge Marie, déjà mon âme se plongeait ravie, quand se reflétaient dans mes yeux les cieux. J'aimais les champs de blé, la plaine, j'aimais la colline lointaine. Oh dans ma joie je respirais à peine, en moissonnant avec mes sœurs les fleurs. J'aimais accueillir les herbettes, les bluets, toutes les fleurettes. Je trouvais le parfum de violette, et surtout celui des coucous, bien doux. J'aimais la pâquerette blanche, les promenades du dimanche, les petits oiseaux chantant sur la branche, et l'azur toujours radieux des cieux. J'aimais à poser chaque année, mon soulier dans la cheminée, accourant dès que j'étais éveillé. Je chantais la fête du ciel, Noël. De maman j'aimais le sourire, son regard profond semblait dire, à l'éternité me ravit et m'attire, je vais aller dans le ciel bleu voir Dieu. Je vais trouver en la patrie, mes anges, la Vierge Marie, de mes enfants que je laisse en la vie, à Jésus j'offrirai les pleurs, les cœurs, oh que j'aimais Jésus hostie, qui vint au matin de ma vie, se fiancer à mon âme ravie, oh que j'ouvris avec bonheur mon cœur. Plus tard j'aimais la créature, qui me paraissait être pure, cherchant partout le Dieu de la nature en lui, je trouvais pour jamais la paix, oh que j'aimais au belvédère, inondé de joie, de lumière, à recevoir les caresses d'un père, à contempler ses blanches veines et je, sur ses genoux étant placé, avec Thérèse à la veillée, je m'en souviens, j'y étais longtemps bercé, j'entends encore de son doux chant l'accent, au souvenir tu me reposes. Tu me rappelles bien des choses, les soupers du soir, le parfum des roses, les buissonnés pleins de gaieté, l'été. J'aimais à l'heure où le jour baisse, à pouvoir confondre à mon aise, mon âme, avec celle de ma Thérèse. Je ne formais avec ma sœur qu'un cœur. Alors nos voix étaient mêlées, nos mains l'une à l'autre enchaînées. Ensemble chantant les noces sacrées, déjà nous rêvions le Carmel, le ciel, de la Suisse et de l'Italie. Ciel bleu, fruit d'or, m'avait ravi. J'aimais surtout les regards, pleins de vie, du saint vieillard pontife froid sur moi. Avec amour je t'ai baisé terre bénie du Colisée. Des catacombes la voûte sacrée, a répété bien doucement mon chant. Après les joies vinrent les larmes, bien grandes furent nos alarmes. De mon époux je revêtis les armes, et sa croix devint mon soutien, mon bien. À longtemps je fus exilé privé de ma famille aimée et je n'avais, pauvre biche blessée que le seul églantier fleuri d'abri. Mais un soir mon âme attendrie, vit le sourire de Marie, et de son sang une goutte bénie pour moi se changea, quel bienfait, en lait. Alors j'aimais fuyant le monde, que l'écho lointain me réponde. En la vallée solitaire et féconde, je cueillais à travers mes pleurs, les fleurs. J'aimais de la lointaine église entendre la cloche indécise, pour écouter les soupirs de la brise. Dans les champs j'aimais à m'asseoir le soir, j'aimais le vol des hirondelles, le chant plaintif des tourterelles, j'écoutais des insectes les bruistes d'ailes, aimant de leur bourdonnement le chant, j'aimais la rosée matinale, et la gracieuse cigale, j'aimais avoir l'abeille virginale qui préparait dès son réveil le miel, j'aimais accueillir la bruyère, courant sur la mousse légère, je prenais voltigeant sur la fougère, les papillons aux reflets purs d'azur. J'aimais le ver luisant dans l'ombre, j'aimais les étoiles sans nombre, surtout, j'aimais l'éclat en l'azur sombre de la lune, au disque d'argent brillant, j'aimais à combler de tendresse mon petit père en sa vieillesse, il m'était tout, bonheur, enfant, richesse, ah je l'embrassais tendrement souvent, nous aimions le doux bruit de l'onde, entendre l'orage qui gronde, le soir, en la solitude profonde, du rossignol au fond du bois la voix, mais un matin son beau visage, du crucifix, chercha l'image de son amour, il me laissa le gage, me donnant son dernier regard. Ma part, et de Jésus la main divine prit le seul trésor de Céline, et l'emportant bien loin de la colline, le plaça, près de l'Éternel, au ciel. Maintenant je suis prisonnière, j'ai fui les bosquets de la terre, j'ai vu que tout en elle est éphémère. J'ai vu mon bonheur se flétrir, mourir. Sous mes palerpes s'est meurtri, la fleur en mes mains s'est flétrie. Jésus, je veux courir en ta prairie, sur elle ne marqueront pas mes pas. Comme un cerf, en sa soif ardente, soupire après l'eau jaillissante, ô Jésus, vers toi j'accours, défaillante, il faut pour calmer mes ardeurs tes pleurs. C'est ton amour seul qui m'entraîne. Mon troupeau je laisse en la plaine, de le garder je ne prends pas la peine, je veux plaire à mon seul agneau nouveau. Jésus, c'est toi l'agneau que j'aime. Tu suffis, ô accent circonflexe bien suprême. En toi, j'ai tout, la terre et le ciel même. La fleur que je cueille, ô accent circonflexe mon roi, c'est toi. Jésus, beau lys de la vallée, ton doux parfum m'a captivé, bouquet de myrrhe, ô accent circonflexe corolle embaumée. Sur mon cœur je veux te garder t'aimer. Toujours ton amour m'accompagne en toi, j'ai les bois, la campagne, j'ai les roseaux, la prairie, la montagne, les pluies, et le flocon et jeu des cieux. En toi, Jésus, j'ai toutes choses. J'ai les blés, les fleurs, demi-closes, myosotis, boutons d'or, belles roses. Du blanc muguet j'ai la fraîcheur, l'odeur. J'ai la lyre mélodieuse, la solitude harmonieuse. Fleuve, rocher, cascade gracieuse, daim léger, gazelle, écureuil, chevreuil. J'ai l'arc-en-ciel, la neige pure, le vaste horizon, la verdure, les îles lointaines, la moisson mûre, les papillons, le gai printemps, les champs. En ton amour, je trouve encore les palmiers que le soleil dort, la nuit pareille au lever de l'aurore, le doux murmure du ruisseau, l'oiseau. J'ai les grappes délicieuses, les libellules gracieuses, la forêt vierge aux fleurs mystérieuses, j'ai tous les blonds petits enfants, leurs chants. En toi, j'ai sources et collines lianes, pervenches, aubépines frais nénuphars, chèvrefeuilles, églantines le frisilite du peuplier léger. J'ai l'avoine folle et tremblante, devant la voix grave et puissante, le fil de la vierge, la flamme ardente, le zéphyr, les buissons fleuris, les nids. J'ai le beau lac, j'ai la vallée solitaire, et toute boisée, de l'océan, j'ai la vague argentée, poisson doré, trésor divers des mers. J'ai le vaisseau fuyant la plage, le sillon d'or et le rivage. J'ai du soleil festonnant le nuage, alors qu'il disparaît des cieux, les feux. En toi, j'ai la colombe pure. En toi, sous ma robe de bure, je trouve bagues, colliers, et parures, joyaux, perles et diamants brillants. En toi j'ai la brillante étoile, souvent ton amour se dévoile, et j'aperçois comme à travers un voile quand le jour est sur son déclin ta main. Toi dont la main soutient les mondes, qui plante les forêts profondes, toi qui d'un seul coup d'œil les rend fécondes, tu me suis d'un regard d'amour toujours. J'ai ton cœur, ta face adorée, ton doux regard qui m'a blessé, j'ai le baiser de ta bouche sacrée. Je t'aime, et ne veux rien de plus Jésus. J'irai chanter avec les anges de l'amour sacré les louanges. Fais-moi voler bientôt en leurs phalanges. Ô Jésus, que je meure un jour d'amour, attiré par la douce flamme, le papillon volé sans flamme. Ainsi ton amour attire mon âme, c'est en lui que je veux voler, brûler. Je l'entends déjà qui s'apprête, mon Dieu, ton éternelle fête. Ô saule, prenant ma harpe muette, sur tes genoux je vais m'asseoir, te voir. Près de toi, je vais voir Marie, les saints, ma famille chérie. Je vais après l'exil de cette vie, retrouver le toit paternel au ciel. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial.